Midi 30, jeudi le 8 septembre, voici vos informations à CKRL. D'abord, c'est officiel, on peut le dire, il y aura un magasin IKEA à Québec. Le centre de cueillette ouvert il y a un an sera remplacé par un véritable magasin à grande surface. Le maire de Québec et le président d'IKEA Canada en ont fait l'annonce plus tôt ce matin. Le nouveau magasin créera 400 emplois directs et indirects. Il occupera une superficie grande comme 5 terrains de football à l'intersection sud des autoroutes Charest et Duplessis. Voilà donc qui fait un vœu de plus exaucé pour le maire et la population de Québec également, reste celui maintenant de faire revenir les Nordiques. Et là, c'est plus compliqué. On le sait, le maire Régis Labeaume, donc, qui aura une autre chance, en tout cas, de vanter les mérites de la capitale nationale ce soir, puisque le numéro 2 de la Ligue nationale de hockey, Bill Daly, sera en ville dans le cadre de la Coupe du monde de hockey. C'est le bras droit de Gary Bettman. Il assistera au centre Vidéotron au match opposant les équipes de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Politique provinciale maintenant, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec qui réclament des enquêtes au sujet de la subvention qui a été accordée à un proche du ministre Laurent Lessard. Les partis d'opposition demandent au commissaire à l'éthique et au lobbyisme de se pencher sur la subvention de 3 millions de dollars qui a été accordée à l'entreprise Pyrobiome, dont le PDG est aussi un ancien conseiller politique de ce ministre libéral. Enfin, les chauffeurs de taxi promettent de continuer leur bataille contre l'entreprise Uber. Le gouvernement a légalisé le service dans le cadre d'un projet pilote qui durera un an. Les chauffeurs Uber n'auront pas à se prémunir d'un permis de taxi. Uber devra néanmoins payer ses taxes et se limiter à 50 000 heures de service. Voilà pour ce point sur l'actualité. Retrouvez-nous sur le web et les réseaux sociaux pour plus d'informations.